Avec Audiolib, écoutez le prix Renaudot 2017, lu par son auteur. Il se familiarise avec la topographie de Buenos Aires et se sent minuscule devant le damier, une puce insignifiante, lui qui terrorisait tout un royaume il n'y a pas si longtemps. La disparition de Joseph Mengele, d'Olivier Guèze, un livre audio disponible en librairie et sur audiolib.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est une des grandes utopies du 19e siècle que Franck Ferrand explore cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Et pour tout vous dire, c'est en lisant le roman de Jean-Michel Rioux, roman vernien, 10 000 jours pour l'humanité, que j'ai eu cette idée de vous parler des utopies en général et tout simplement de celle de Fourier. On va parler du phalanstère cet après-midi. L'auteur du roman est avec nous dans ce studio. Et avec Lorena Martin, en fin d'émission, nous irons ensuite visiter le familistère de Guise. Alors le familistère, c'est justement la version réelle du phalanstère, en quelque sorte. Et puis nous reviendrons aux origines de l'expression « être un as ». Pour le moment, nous avons rendez-vous avec un dénommé Charles Fourier. Dans la première moitié du 19e siècle, sous le règne de Louis-Philippe, va prendre forme une idée dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est originale, une idée ambitieuse, celle d'un lieu de vie idéal, une sorte de palais qui permettrait la mixité sociale, la liberté et l'harmonie en même temps, vous avouerez que c'est pas évident, un lieu de vie qui devrait servir de modèle pour l'organisation sociale de l'humanité tout entière. Quand je vous dis que c'est ambitieux, on peut difficilement faire plus ambitieux. À l'origine de cette idée, un drôle de personnage. Alors, comment le qualifier? Certains vont vous dire, c'est un philosophe, ou un économiste, un urbaniste, un historien, un mathématicien, un psychologue, je sais pas moi, un architecte. D'autres vont plutôt voir en lui, tout simplement, un inventeur fou, pour pas dire un illuminé. Le plus simple, ce serait peut-être tout simplement de renoncer à la moindre tentative de qualification. Jules Michelet, quant à lui, se contente de le qualifier de grand poète. Et c'est vrai que c'est un poète à sa manière, Charles Fourier. Il y a, à l'origine de sa grande idée, de son œuvre utopiste, il y a comme souvent un traumatisme, un choc indélébile. Charles est né à Besançon, sous le règne de Louis XV, en 1772. Il est né dans une famille de commerçants fortunés. Et il a été tôt choqué par, les petits mensonges qui accompagnent généralement l'activité commerçante. Vous savez, son père est marchand de tissus et Charles trouve que dans la boutique, on a tendance à se montrer immoral. Il entend son père dire à table qu'il faut tricher sur les mesures de tissu qu'on vend et qu'il faut toujours retenir un pouce ou deux lorsqu'on mesure parce que à la fin de l'année, ça fait beaucoup de différence dans la caisse, bien entendu. J'ai remarqué dès 6 ans, écrira Fourier, le contraste qui règne entre le commerce et la vérité. On m'enseignait au catéchisme et à l'école qu'il ne fallait jamais mentir, puis on me conduisait au magasin pour me façonner de bonne heure au noble métier du mensonge ou art de la vente. Et en secret, bien sûr, Charles va développer une profonde aversion pour ce commerce familial. À 7 ans, il jure une haine éternelle au commerce, dit-il, et fait le serment d'Hannibal contre le commerce mensonger. Voilà ce qui s'appelle une anti-vocation. À 15 ans, le père de Charles disparaît prématurément et voilà que le jeune homme doit donc lui succéder à la tête de la boutique d'étoffes. Charles devient apprenti, commis voyageur en draperie, commerçant d'enrées coloniales. Il déteste toujours autant le commerce et c'est même renforcé lorsqu'en 1799, il assiste au spectacle de spéculateurs qui vont jeter à la mer des cargaisons de grains, mais des cargaisons entières parce que on a trop attendu, elles ont pourri et qu'il faut maintenant les jeter. Tout ça le rend malade. Il se dit que c'est contraire au bien de l'humanité. Vous voyez déjà, c'est l'époque de Jean-Jacques Rousseau, tout ça. Évidemment, on a traversé déjà la Révolution. Vous aurez compris que Charles Fourier, au-delà de la détestation qui est la sienne, n'est pas doué pour le commerce. Il spécule maladroitement lui-même sur un certain nombre de denrées qu'il fait venir de Marseille à Lyon. En 6 ans à peine, il perd tout. Il est obligé de travailler comme commis aux écritures au caissier à Lyon, comme comptable à Paris. Du point de vue de sa famille et des commerçants de son entourage, on doit pouvoir dire que c'est un raté, entre nous soit dit. Il regrette de ne pas avoir pu choisir une activité plus détachée de la matière, sans doute. Alors on le voit lire Rousseau, je vous le disais, c'est évident, Owen également, Saint-Simon, pas Saint-Simon le mémorialiste de la cour de Louis XIV, l'autre Saint-Simon dont on va parler tout à l'heure. Et Il n'apprécie rien tant, Charles Fournier, que ces grandes lectures roboratives, si vous voulez. Pour tout vous dire, il n'est pas un fan d'Owen ni de Saint-Simon, qui selon lui énonce des monstruosités, mais ça lui donne des idées. Et plus Fourier lit, plus il se persuade qu'il est investi d'une sorte de mission. C'est comme s'il était chargé par la divinité de changer la société, si vous voulez. Il se sent le devoir d'apporter aux hommes ses lumières, de les conduire vers le bonheur. On peut dire qu'il ne manque pas de modestie, vous allez voir. Moi seul, j'aurais confondu 20 siècles d'ineptie politique. Et c'est à moi seul que les générations présentes et futures devront l'initiative de leur immense bonheur. Possesseur du livre des destins, je viens dissiper les ténèbres politiques et morales et sur les ruines des sciences incertaines, j'élève la théorie de l'harmonie universelle. Oui, c'est bien. C'est peu modeste, finalement. On est là dans son premier livre, hein, 1808, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales. Alors, il développe dans ce bouquin sa théorie du monde, théorie pour le moins étonnante. Selon lui, la planète Terre devrait durer 80 000 ans. C'est pas beaucoup, hein, somme toute, à l'échelle que nous connaissons aujourd'hui. 80 000 ans divisés en quatre phases. Une phase de malheur, qui dure déjà depuis 6 000 ans. Puis deux phases d'unité sociale et de bonheur, qui vont durer 60 000 ans. Et enfin, une phase de déclin, qui elle durera donc, si j'ai bien calculé, 14 000 ans. Charles Fourier nous explique que, dans la phase d'harmonie, le printemps remplacera toutes les saisons, que l'eau de la mer se changera en limonade, qu'un jour les grands poissons remorqueront les bateaux, que la Terre comptera 3 milliards d'habitants, ça pourquoi pas, dont 37 millions de grands poètes égaux à Homère et de savants égaux à Newton, que la Lune, un astre mort et pourrissant selon lui, sera remplacée par 6 nouveaux satellites. Élucubration d'un cerveau dérangé ou extravagance d'un refoulé, se demande René Sédillot. On trouvera du génie dans ce délire, de la divination à ce prophète. Car, au-delà des délires farfelus, Fourier se met à développer méthodiquement une théorie pour une nouvelle organisation sociale, une doctrine sociétaire qui, selon lui, doit permettre la réorganisation de la vie en société. Si j'en crois Fourier, il faut tout reprendre, tout réorganiser, réorganiser l'ordre social en fonction des passions humaines. Alors selon lui, l'homme est mû par 12 passions, 5 sensitives, 4 affectives, amitié, amour, ambition et sens de la famille, et 3 distributives. Ces 3-là sont à la base du lien sociétaire. Il y a d'abord la passion de la rivalité, qu'il appelle la kabbaliste, la passion opposée qui pousse, elle, au contraire, à l'harmonie, à la coopération, qu'il appelle la composite, et puis enfin la passion de la diversité, du changement, qu'il nomme la papillonne, passion qui nous pousse à avoir envie de changer l'activité régulièrement, etc. Bon, à ne pas s'ennuyer, si vous voulez. Et toutes ces passions sont synthétisées par une 13e, l'harmonique. Selon Fourier, les passions ne doivent surtout pas être refoulées ou réfrénées. Au contraire, il faut créer des groupes humains qui permettent de combiner tout ça. Chacun devra jouir, nous dit-il, d'une liberté totale sur le plan sexuel. Il précise, toute femme pourra avoir simultanément, si tel est son goût, un époux, un géniteur pour avoir des enfants, un favori pour vivre dans sa compagnie et de simples possesseurs. Je sens que Fourier va avoir bientôt de nouvelles adeptes. Ce texte, évidemment, est invraisemblable à l'époque où il l'écrit. Notons au passage que lui est resté toute sa vie un célibataire endurci, hein. Complètement très minutieux, très maniaque. Dans ces structures sociales nouvelles, par ailleurs, les hommes vivront, travailleront dans la joie. Le travail deviendra un plaisir. On croirait lire les grandes doctrines du Parti communiste soviétique, vous savez, dans les années 30. Mais évidemment qu'on va s'inspirer de Fourier dans toutes sortes de domaines, bien entendu, hein. Et puis surtout, le travail devra être un plaisir, mais chacun pourra ensuite papillonner, vivre de manière ludique, si vous voulez. Bon. Vous allez me dire, mais il faut peut-être s'arrêter un peu dans l'utopie. Oui, sauf que dans la tête de Fourier, ce projet est tout sauf une utopie. Ça doit être réalisé, ça doit être concret pour lui. Et le lieu de réalisation de tout cela, il le dessine, figurez-vous. Il le conçoit. Ce lieu, ça va être le phalanstère. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez la vie de Charles Fourier, son idée utopiste. quelque peu séduisante, hein, quand même, il faut bien le reconnaître, de ce phalanstère. Est-ce cette époque, est-ce que Fourier est le seul à développer ce genre d'idées ? Alors non, il y a tout un mouvement d'idées, bien entendu. Ça s'inscrit comme toujours dans un mouvement, ce qu'on pourrait appeler le mouvement socialiste utopiste, si vous voulez. En début du 19e siècle, vous avez eu... Alors, on parlait de Robert Owen en Angleterre, bien sûr. Donc, Saint-Simon en France, on en dira un mot tout à l'heure avec Jean-Michel Rioux. Bien sûr, Étienne Cabet, Philippe Buchet, etc. Tous ces penseurs réfléchissent à la création de projets sociaux à échelle humaine, de cités idéales, avec des modes d'organisation qui progressivement doivent remplacer la société telle qu'elle existe, la société soit d'ordre, soit tout simplement société capitaliste qui est en train de naître à la même époque. C'est pas un hasard d'ailleurs. Fourier imagine donc, lui, le phalanstère, un lieu qui associe logement, travail, plaisir, où peuvent vivre entre 1500 et 1600 personnes, 800 de chaque sexe donc, hein. Alors, il commence par imaginer le site, comme quand les moines, 1000 ans plus tôt, choisissaient un site pour leur monastère. Vous savez, il faut que le phalanstère soit construit, je cite, « dans un pays pourvu d'un beau courant d'eau, coupé de collines, propre à des cultures variées et adossé à une forêt. » Vous voyez qu'on est très proche d'ailleurs des préconisations de Saint-Benoît. « Sur un domaine d'au moins 400 hectares, avec des bâtiments de fermes, des établissements industriels pour permettre la vie en autarcie. » C'est peut-être la limite d'emblée qu'on commence à voir se dessiner dans le projet de Fourier. C'est qu'on a envie de dire « oui, c'est bien joli d'avoir tout sur place, mais et ceux qui veulent bouger bah oui. Alors, à quoi va-t-il ressembler ce phalanstère ? Ben, il faut dessiner des plans, bien sûr. Il s'imagine le modèle, Fourier. Un palais, dit-il, élégant, de la plus belle symétrie, tenant de Versailles et du Grand Hôtel d'eau, avec 3 étages, 2 grandes ailes, 162 fenêtres à chaque étage, 7 grandes cours intérieures, 1 tour d'ordre, 1 bibliothèque, 1 théâtre, 1 bourse, 1 galerie pour les expositions, des salles d'études, des réfectoires. Il a même prévu les pigeons pour la correspondance. Ah oui, il a pensé à tout. Dans ce palais sociétaire dédié à l'humanité, dit-il, les repas sont pris en commun, sauf si les habitants préfèrent qu'on leur serve dans leur chambre individuelle. C'est également possible. Et il y a 7 menus. Tous les habitants du phalanstère travaillent, mais à des travaux attrayants, des travaux ludiques. Ils vont pouvoir papillonner d'une activité à l'autre, jardinage, apiculture, pisciculture, horticulture. Il faut que les séances industrielles soient variées environ 8 fois par jour, explique Fourier. L'enthousiasme ne pouvant se soutenir plus d'une heure et demie ou deux heures dans l'exercice d'une fonction agricole ou manufacturière. Ça me fait rire ce genre de projet, c'est-à-dire que on voit bien que ça part de la meilleure intention du monde. Mais alors après, dans la réalité, qu'est-ce que ça peut donner ? C'est une autre histoire. Chacun, nous dit René Sédillot, choisit les travaux qui répondent le mieux à ses affinités dans la série qui lui est le plus sympathique. Il y a les sérististes, les fraisistes, les poiristes. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous préférez cultiver des poires, pourquoi vous embêter avec les cerises, hein ? On ne cultive pas de blé, on ne mange pas de pain chez Fourier. Il préfère les fruits et les confitures. Mais les travaux sales, les travaux répugnants, la réponse est toute simple. Les enfants ont un goût particulier pour ce genre de besogne. Bien, une fois sortis des pouponnières pour bambins, chérubins et séraphins, mobilisés en petites bandes et en petites hordes, ils accompliront avec volupté les tâches qui éclaboussent ou qui barbouillent. Bah tiens, dans cette communauté idéale, que fait-on des inégalités tellement propres à la nature humaine ? Bah, disons-le tout de suite, Fourier ne prétend pas instaurer l'égalité. Le phalanstère est ouvert aux riches comme aux pauvres, qui se répartiront en 5 classes différentes et qui vivront selon leurs moyens dans des pièces plus ou moins grandes, plus ou moins illuminées, avec des repas différents évidemment. Selon Fourier, l'inégalité entre dans le plan de Dieu. Cependant, des règles au sein du phalanstère doivent permettre, je cite, de faire aux sociétaires pauvres l'avance d'un minimum avec la certitude qu'ils auront gagné plus que leurs dépenses à la fin de l'année. Dans le phalanstère, le salariat est supprimé. L'ouvrier devient donc un actionnaire de la propriété commune. Chacun possède une part de la société, si vous voulez. Le phalanstère reste donc une entreprise capitaliste d'une certaine manière, mais avec un capital très réparti. Fourier promet aux investisseurs des dividendes plantureux. Bref, il est tellement beau ce phalanstère sur le papier qu'on n'a plus qu'une envie, c'est de le voir réalisé dans le monde, dans la réalité. Fourier essaie de convaincre des investisseurs de financer ce projet coûteux. Entre 1825 et 1835, il convie chaque semaine chez lui à dîner des mécènes pour les séduire. Il remue, on peut le dire, ciel et terre pour trouver des fonds. Il sollicite tous les partis, demande l'appui de la Société de la morale chrétienne. Il fait même appel aux Anglais. Il recherche des bailleurs de fonds. Il leur parle encore et encore et encore et toujours du phalanstère. Seulement, aucun mécène, aucun industriel n'accepte de financer le phalanstère. Et les années passent. Et Fourier n'arrive toujours pas à faire de son idée une réalité. Son cauchemar, vous savez, c'est qu'on considère que tout ça n'est qu'une utopie. Il déteste, dit-il, les faiseurs d'utopie, ça ne manque pas de sel, ceux qui ne produisent que des chimères irréalisables et des sottises dogmatiques. Pourtant, il n'arrive pas à réaliser son projet, il faut bien se rendre à l'évidence. Fourier approche maintenant du terme de sa vie et son phalanstère n'a pas vu le jour. 3 ans avant de mourir, un essai a lieu à Condé-sur-Vègre, mais alors c'est pas un essai du tout concluant. Et maintenant, il semblerait que la théorie de Fourier soit vouée à rester à jamais une théorie, une idée irréalisable, à moins que, 20 ans après la mort de Fourier, un industriel, il s'appelle Jean-Baptiste André Godin, va s'emparer de l'idée. Et alors lui, il a bien l'intention d'en faire une réalité. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors vous nous emmenez cet après-midi, Franck Ferrand, à la découverte de Charles Fourier et de son idée assez utopiste, le fameux phalanstère. Il meurt en 1837, Charles Fourier, oui, sans avoir pu réaliser ce fameux phalanstère, mais peut-être que Jean-Baptiste André Godin va s'en charger. Exactement. Alors lui, c'est un industriel, fils de serrurier. Et avant de faire fortune lui-même, il a été ouvrier. Et le jeune Godin a conservé, si vous voulez, un souvenir affreux des conditions de vie des ouvriers de l'époque. Et très vite, il s'est mis à lire Owen, Fourier, Saint-Simon. Il a même rencontré Fourier, d'ailleurs. Il a été convaincu par ses théories sur les principes de l'harmonie universelle. « Je suis phalanstérien parce qu'après une longue étude, affirmait Godin, j'ai acquis la conviction que la théorie phalanstérienne est la société morale constituée et que seule elle pourra conduire l'humanité à la constitution de société parfaite. » À la fin des années 40, 1840, il veut donc mettre son argent au service de l'amélioration de la condition de vie des ouvriers. Il rêve de construire un vrai phalanstère à la mode Godin, d'une certaine manière, et il va l'appeler le familistère. C'est dans l'Oise, à la lisière d'une forêt, que Godin investit donc dans un domaine d'une dizaine d'hectares. Il y entreprend la construction de son familistère dont il a dessiné les plans, en s'inspirant bien sûr du fameux palais de Fourier, façon Versailles. Façade avec 4 niveaux, 48 fenêtres à chaque niveau, 3 cours intérieures, 2 grandes ailes en décrochement, 1 tour de contrôle, des fontaines, enfin tout ce que je vous ai décrit bien sûr dans le plan de Fourier. Et bientôt, le familistère est investi par plusieurs dizaines de familles d'ouvriers, puis par des centaines d'habitants. En 1889, on comptera 1748 habitants dans le familistère de Guise, dont on parlera tout à l'heure avec Lorena. Godin organise des bals, des fêtes, on fête par exemple le travail, on fête l'enfance dans le parc, on fait construire de nouveaux bassins, des statues, il installe une école mixte, laïque et obligatoire, à une époque où c'était loin d'être évident. Il crée un théâtre, une piscine, une salle d'escrime et de gymnastique, un kiosque à musique, une nourricerie, un pouponnat pour les enfants. Il pense également à fonder une boulangerie, une boucherie, une épicerie, etc. pour qu'on puisse vivre toujours dans ce principe d'autarcie. Il y a même un corps de pompiers et une fanfare. J'allais dire, ça va avec, pas forcément. L'expérience ne se déroule pourtant pas si bien que prévu, et même, pour tout vous dire, elle va virer au fiasco. À Guise, les commerçants commencent à se révolter contre la concurrence déloyale du familistère, et puis les bourgeois de la région s'indignent de la liberté de mœurs qui règne dans ce familistère, puisque on y pratique quand même singulièrement le libertinage, la polygamie, les couples libres, etc., au point que la mairie de Guise fasse interdire les bals. Et petit à petit, année après année, le familistère va changer, il va perdre son âme originelle, si vous voulez, se mettre à employer des salariés extérieurs qui ne sont donc pas logés dans le familistère. Godin ouvre même une annexe, mais qui comporte beaucoup moins d'avantages que la maison mère, si je puis dire. Il n'y a pas de service collectif, etc. Il n'y a pas de jardin. Zola va visiter l'entreprise de Guise et il conclut « Défiance du voisin, pas de solitude, pas de liberté ». C'est peut-être ça le vrai problème. Quant à Engels, le compagnon spirituel, si j'ose dire, de Marx, vous savez, il affirme que le familistère est un simple instrument de l'exploitation ouvrière. Il arriverait donc à l'inverse de sa finalité initiale. À la fin du 19e, le familistère a beaucoup, beaucoup décliné. Il va doucement dépérir jusqu'à fermer. Le familistère finira par n'être plus qu'un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques de Fourier, nous dit René Sédillot. Le doux poète avait calculé que 2 985 984 falinsters seraient nécessaires à la population du globe. On est loin du compte. Mais Fourier laisse un nom, une œuvre, une idée. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.